La ville blanche écrasée de soleil où un jour je suis né. Les rues en pente, le pont sur le Rinel, les jardins d'oranger. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, non, non, non, je n'ai pas oublié tous ces visages attristés. Mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé. La rue qui chante l'été venu n'oublie pas l'hiver plus tard. Et les blessures que l'on ne voit plus qui font encore bien mal. Màn đêm đã tan ngày nắng lên nôi từng bừng ngày vui ấy đón chân ta. Ngoài kia lưu lo trẻ hát vang đường phố đông giữa công viên những nhân tình. Khó quên đời sống em đêm qua, biết bao chiều mến đang chờ đón. Đã cho ngày tháng như dòng suối xanh tình ái ôi triền miên. Này em yêu ơi hãy vui với muôn bông hoa. Cớ sao màu mắt u buồn mãi, hãy dang rộng cánh tay nồng ấm ôm hạnh phúc bao người trao. Đời đẹp sao chan cho mắt em tươi hồng, tình yêu ngất ngây trong cõi lòng. Đừng để năm tháng trôi âm thầm trong đời, để rồi mình xót xa thôi. Con espérant tout à coup balayé par un vent de folie. Con innocent tout à coup étonné t'a pleuré de sursis. Non, je n'ai pas oublié. Que ma vie ait changé, mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, non, non, non, je n'ai pas oublié et je n'oublierai jamais. Mais aujourd'hui, vous et moi ne pouvons rien changer. Non, non, non, non, je n'ai pas oublié et je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, vous et moi ne pouvons rien changer. Non.